Ardelle ou la Marguerite. Personnage. Le général, la générale, le comte, beau-frère du général, la comtesse, sa sœur, Villardieu, amant de la comtesse, Nicolas, fils cadet du général, Nathalie, sa bru. Toto, fils Benjamin du général, 10 ans. Marie-Christine, fille de la comtesse, même âge. Ada, femme de chambre, maîtresse du général. Ardelle, sœur du général, personnage invisible. Le bossu, personnage muet. Le hall du château. Deux escaliers montent à une galerie faisant le tour de la pièce où s'ouvrent beaucoup de portes. C'est le matin. La scène est vide. On entend une voix aiguë qui appelle « Léon ! Léon !» Le général surgit d'une porte sur la galerie en robe de chambre rouge, très général d'Ourakine. Il crie, se précipitant vers une autre porte. Le général « Voilà, mon ami !» Il parle à quelqu'un d'invisible par la porte entrouverte. « Non, ma colombe ! Non, mon ange ! Je m'étais absenté une minute, mais j'étais là, dans mon bureau. Je travaillais. Cette nuit ? Non, je ne vous ai pas laissé cette nuit. Je me suis levé, c'est exact, pour prendre l'air, mais quelques instants, toujours mes étouffements. Plus d'une heure ? Non, mamie, quelques instants seulement. Mais dans le demi-sommeil, on perd la notion de la durée, je vous l'ai mille fois expliqué. Reposez-vous, mamie, il est très tôt encore, et je m'occupe de tout préparer pour recevoir nos hôtes. Oui, mon cher amour, à tout à l'heure. Il repousse la porte, retourne à celle d'où il est sorti, l'ouvre, sur le seuil Ada, la femme de chambre. Il l'embrasse goulûment. Le général, grenache, grounière, goulune, guenon, pêche, gros gâteau doré, brioche. Oh, c'est bon, tu sens le pain chaud du matin. Ada, impassible, tandis que le général a le nez dans son cou et son corsage, le petit déjeuner de monsieur est servi dans son bureau. Le général la caresse, chaude et vivante, bien ferme sur tes deux colonnes jointes. Le monde existe donc ce matin encore. Tout va bien, on n'est pas seul. Et tu t'en moques, imbécile, et tu attends tout simplement que j'ai fini. C'est bon aussi. Tout à l'heure, quand tu feras la chambre du petit, tu mettras les draps à la fenêtre. Je monterai. Je t'ai acheté ce que tu voulais. Une porte s'est ouverte sur la galerie. Nathalie paraît. Le général lâche la femme de chambre qui est restée impassible et lui jette à mi-voix « File !» Elle disparaît dans une autre chambre, passant devant Nathalie sans un regard. Nathalie et le général restent un moment immobiles. Le général demanda enfin d'une voix un peu cassée « Je vous dégoûte, Nathalie. » Nathalie, doucement, « Oui. » Elle va descendre, le général hésite un peu, puis il la rejoint sur l'escalier, il l'arrête. « Vous avez 20 ans, Nathalie. Vous êtes l'intransigeance et la pureté, et je suis un vieux misérable. »« Oui. Quand vous avez épousé mon fils, cela a été comme si une fenêtre s'ouvrait dans cette grande maison triste. Le premier soir où vous avez rouvert le piano muet du grand salon, vous étiez si jeune et si belle que j'ai cru que j'accepterais pour vous de devenir vieux. Le général blanchit au récit de bataille. Le protecteur, désuet et attendri d'une petite bru candide, c'était un beau personnage à jouer pour en finir. J'avais tout pour le réussir, les souvenirs glorieux, la belle barbe de neige, mon vieux cœur de jeune homme, tout neuf sous ma brochette de fer blanchi. Qu'il a été beau, le premier dimanche à la messe, avec vous en robe claire à mon bras. J'ai demandé à Dieu ce jour-là de ne jamais mériter votre mépris. Mais c'était un dimanche, il devait être très occupé. Il n'a pas dû m'entendre. Sans doute pas. Vous pensez que j'aurais dû l'aider? On a toujours tendance à laisser Dieu faire tout seul. Je n'ai pas pu. L'expérience m'a malheureusement appris que je pouvais rarement ce que je voulais de bon. Pourquoi vous justifiez toujours à moi? Je ne suis que la femme de votre fils et vous êtes libre. On entend soudain appeler là-haut « Léon ! Léon !» Le général crie « Voilà !» Et il continue, « Je suis libre, avec cette folle qui m'appelle tous les quarts d'heure de son lit depuis 10 ans. La vie est longue et dure et faite de minutes, Nathalie. Vous savez tout, mais vous ne savez pas encore cela. Et pas une à perdre en espoir ou en regret. C'est d'amour pour vous que votre femme est devenue folle. Je suis bien jeune, c'est vrai, mais je sais déjà le prix de l'amour. Ce grand trésor qu'elle vous a donné, qu'en avez-vous fait ? » Le général, simplement, « Je l'ai porté. » Il ajoute plus bas, « Vous ne savez pas tout, Nathalie. Vous avez épousé mon fils aîné sans amour. Ne vous détournez pas, je suis une vieille ganache, mais je vois clair. Alors vous rêvez de l'amour comme une petite fille que vous êtes. Il y a l'amour, bien sûr, et puis il y a la vie, son ennemi. Vous avez pu remarquer que les pauvres qui se plaignent toujours ont finalement moins de tracas pour gratter leurs 4 sous que les grands propriétaires. On est de toute façon si seul qu'en fin de compte, je me demande si on ne gagne pas à ne pas être aimé. On entend encore plus loin, semble-t-il. Léon ! Léon ! Le général répond au regard de Nathalie. Non, cette fois, c'est le paon du parc qui appelle sa femelle. Un curieux destin a voulu que tout ce qui est inquiet dans ce château crie mon nom. Mais l'inquiétude du paon, elle, ne dure qu'une saison. L'été passera et moi, on m'appellera encore. Jusqu'à ce que l'un de nous deux renonce et meure. Rêvez, Nathalie, c'est de votre âge. Mais voilà ce que c'est, votre amour, ce cri perçant tous les quarts d'heure pour contrôler ma présence. Il faut que le goût de la liberté soit durement chevillé au cœur des hommes. On entend appeler encore « Léon ! Léon !» C'est encore le paon. Montez tout de même. Voilà 10 ans que je monte toujours. Je suis lucide, mais dévoué. Ne me jugez pas trop, Nathalie, pour cette fille. Elle est ma liberté. Il y a quelque courage aussi et quelque grandeur à être ignoble. Je n'ai pas à vous juger. C'est pourtant entre vous et moi que tout se décide. Dieu sait pourquoi. On entend encore « Léon ! Léon !» Cette fois, c'est elle. Son cri est légèrement plus perçant que celui du paon. Il monte. Mais vous avez eu beau venir ici pour mon tourment, me regarder sans rien dire, je suis plus fort que vous. Je ne dis pas que vous m'aurez pas un jour. Mais avant que ces petites étoiles sur ma manche me protègent, j'ai appris dans mes 32 campagnes d'officier de troupe à me battre jusqu'au bout. Et après tout, vous êtes terrible, mais vous n'êtes pas plus redoutable qu'un bataillon complet d'Arabes persuadés qu'Allah les attend. Une belle lutte, tout de même, entre un vieillard libertin et une jeune femme muette. Il rit un peu et lui crie du haut de la rampe. « Nathalie, c'est entendu. Ma femme est un ange qui meurt d'amour pour moi et je la trompe. C'est entendu, je l'ai follement aimée, moi aussi. Mais les anges vieillissent et un matin, on se réveille tout surpris avec une vieille tête d'ange en papillote à côté de soi sur l'oreiller. Si Dieu avait voulu que l'amour soit éternel, je suis sûr qu'il se serait arrangé pour que les conditions du désir le demeurent. En faisant ce que je fais, j'ai conscience d'obéir obscurément à ses desseins. On entend encore « Léon, Léon !» Le général entre dans la chambre en disant calmement « Me voilà, mon amour. » Je parlais à Nathalie. Nathalie reste une seconde immobile, puis elle traverse le hall et sort par le jardin. La femme de chambre paraît à une porte encombrée de ses chiffons et de ses balais. Une autre porte s'ouvre et Toto se précipite sur elle. Il l'enlace en glapissant « Grenache, crounière, gouline, guenon, pêche, gros gâteau doré, brioche !» La femme de chambre se débat « Monsieur Toto, je vous défends, je vais le dire à votre père. Va lui dire, il me donnera 100 sous pour que je me taise, idiote. Tout à l'heure, tu m'aideras à la fenêtre, c'est le signal, et vous viendrez faire des saletés sur mon lit. Grenache, gouline, guenon, c'est comme ça qu'il fait dit. Oh, c'est bon, la femme de chambre crie « Monsieur Toto, c'est honteux, lâchez-moi !» Elle le gifle. Petit cochon. Toto la regarde et lui répond, les mains dans ses poches avec sa haine tranquille. Il faut le temps de grandir. Il lui tend le poing soudain comme un gosse de 10 ans qu'il est. Il lui crie, attends un peu que la maison soit à moi. Attends un peu que je sois grand. Attends un peu que j'en ai vraiment envie. La femme de chambre hausse les épaules et entre dans la chambre. Toto crache avec mépris puis il enjambe la rampe et la descend d'un coup sur son fond de culotte. Arrivé en bas, il clame théâtral, Toto, je vous défends de descendre sur la rampe. Vous usez vos fonds de culotte et c'est dangereux. Il sort vers l'office, braillant la Marseillaise et jetant des coups de pied au meuble au passage. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Le général ouvre la porte et paraît sur la galerie. Il crie « Assez, Toto !» Toto indigné. « Comment assez ? C'est la Marseillaise. » Le général, vaincu, « C'est bon. » Il rentre, claquant la porte. Toto sort, ivre de mépris, donnant un coup de pied à un meuble innocent. La scène reste vide un instant, puis entre le comte, la comtesse et Villardieu en costume d'automobiliste. Voile vert, lunettes noires, peau de bique. Rien ne doit permettre de distinguer le comte de Villardieu. Même moustache, même col trop haut, même monocle, même cul de singe derrière la tête, même distinction et sans doute même club. Peut-être seule la couleur de leurs pieds de poule diffère-t-elle, mais c'est une nuance. La comtesse. Personne. Cette maison a toujours été déplorablement tenue, le comte. Depuis la maladie de votre belle-sœur, ma chère, avouez que c'est assez compréhensible, la comtesse. Avant la maladie d'Amélie, c'était pareil. La pauvre femme passait son temps à couver amoureusement mon frère des yeux et les domestiques avaient déjà la bride sur le cou. Débarrassez-vous, Villardieu. Je suis brisé. Je suis sûr que vous nous avez fait faire du 60. Villardieu, du 65. La comtesse, imprudent. Villardieu qui émerge de ses lunettes et de ses peaux de bique. Je vous avoue que j'ai quelques scrupules à m'être laissé imposer par vous ici. S'il s'agit d'une affaire de famille, comme le laissait pressentir le général dans son télégramme, ma présence le compte sans une trace d'amertume. Vous faites partie de la famille, Villardieu. La comtesse, mon ami, je vous en supplie, il est encore très bonne heure, évitez-nous les mots d'esprit. Et vous, Villardieu, pour l'amour du ciel, ne prenez pas la mouche pour rien. Gaston, essayez plutôt de trouver quelqu'un. Cette idée de nous mettre en route en sortant du casino était follement drôle à 4 heures. Le petit matin a toujours quelque chose d'héroïque. Maintenant qu'il en est 11, nous allons nous apercevoir tout bonnement que nous n'avons pas dormi. Je dois avoir 100 ans. Le comte galamment, une rose. Villardieu lui jette un regard noir, il se retourne vers lui. Je vous demande pardon, mon cher, vous alliez le dire, peut-être. Il se lève. Je vais voir si nos chambres sont prêtes. Je pense que le général, dans sa simplicité de vieux militaire, nous aura fait préparer pour Liliane et pour moi une chambre commune. Je m'en excuse d'avance, Villardieu. Il s'incline gracieusement et sort. Villardieu, vous avez entendu. La comtesse, il est odieux. Je trouve surtout qu'il manque de tact. Ce n'est que votre mari, après tout. Il est nerveux, car je crois qu'il a du dépit avec sa petite couturière. C'est une créature que j'aimerais bien connaître. Il paraît que c'est une guenon, qui vous l'a dit. Aïssa les a surpris prenant le thé aux roches noires. C'est une fille qui ne sait pas manger une meringue. Elle s'était trompée de fourchette. Gaston a vu qu'Aïssa l'avait vu, il a rougi comme une écrevisse. Je ne suis pas méchante, mais je souhaite qu'il souffre. Pourquoi prendre tant d'intérêt à ce qu'il fait? Elle est jeune, peut-être bien faite. Pensez-vous qu'il l'aime d'amour? C'est une question dépourvue de tout intérêt pour moi. En tout cas, elle est poitrinaire. Aïssa m'a dit qu'elle toussait. C'est une petite brune vulgaire, de grands yeux, paraît-il, mais elle louche. Tant pis. Enfin, Hector. Votre indifférence est une pause. L'anglomanie, c'était bon il y a 10 ans. Vous retardez. Vous n'allez pas me faire croire qu'il vous est indifférent que le mari de votre maîtresse s'affiche partout avec un pou. J'aurais aimé en tout cas que cela vous fût à vous indifférent. En vérité, Liliane, je me demande parfois si vous n'aimez pas encore cet homme. Hier soir, au baccarat, vous n'avez cessé de lui sourire. Il perdait à chaque main. Je me moquais de lui. Je ne suis pas aveugle. Il y avait dans vos sourires une nuance de compassion. Il y a des choses que je ne tolérerai pas. Mon ami, je suis trop fatigué ce matin pour une scène. Mais diable, que signifie cette jalousie, Liliane? Cet intérêt affiché pour cet homme? Si au moins vous mettiez un peu de pudeur à dissimuler. Mais je ne suis pas seul à m'en apercevoir. Avant-hier, chez les Pontadour, vous avez dansé 2 fois avec lui. C'est inconvenant, à la fin. De quoi ai-je l'air? À un moment, vous lui avez pris la main, devant tout le monde. En riant, comme j'aurais pris la main de n'importe qui. Il y a des gestes qu'une honnête femme ne se permet pas. Même en riant. C'est pas parce que cet homme est votre mari, j'ai les idées larges, mais il y a des choses que je ne tolérerai pas. Vous placez votre vanité avant tout, dites mon honneur, si vous voulez bien. Notre liaison est officielle, vous le savez. Et puis je souffre. Il faisait les 100 pas nerveusement en parlant, la comtesse lui dit simplement, votre façon de souffrir me donne le vertige, asseyez-vous. Il s'assied. Si vous continuez ainsi avec cet homme, vous me pousserez à un geste de désespoir. En vérité, tout à l'heure, sur la route, j'ai eu la tentation de monter jusqu'à 70 pour en finir. Bonne foi. Qu'est-ce qui se passe à 70? Le moteur est fou. On n'est plus maître de son engin. Avez-vous pensé à Marie-Christine, Hector? Vous savez pourtant bien que si je n'ai pas voulu vous suivre à Venise, si j'exigeais que la vie continue avec le comte, c'est pour que ma fille ne se doute jamais de rien. Me reprocherez-vous aussi d'être une mère, Villardieu? J'ai tout accepté pour votre enfant, Liliane. Nos rencontres espacées, cette odieuse comédie de notre vie à trois. Je vous demande seulement de vous tenir convenablement. Entre le comte avec Nathalie qui porte un bouquet de fleurs des champs. Le comte. Cette maison est frappée d'enchantement. Je n'ai rencontré qu'une fée dans le jardin, mais elle dit qu'elle a le pouvoir de faire ouvrir des chambres. Nathalie. Bonjour Liliane. Je m'excuse, personne n'avait entendu la voiture. Le comte, elle fait pourtant assez de bruit. Villardieu lui jette un regard noir. C'est le dernier modèle de Dion, 40 chevaux. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent à eux tous? De la musique? Le comte. Villardieu, une fois encore, je n'ai pas cherché à vous offenser. D'ailleurs, personnellement, moi j'adore le bruit. Je trouve ça gai. La comtesse qui embrasse Nathalie. Nathalie. Ça fait plaisir de vous revoir. Comme vous avez bonne mine, les nouvelles de votre mari. Nathalie, excellente. Il est au fond du Tonkin. Le comte à Villardieu. Voilà un homme qui sait vivre. La comtesse présente. Le baron de Villardieu. Un de nos bons amis. Le comte. Notre meilleur ami à Villardieu. Je ne ris pas. Nathalie regarde Villardieu et demande. Marie-Christine n'est pas avec vous? La comtesse. Nous sommes partis à 4 heures en sortant du casino. Elle a pris le train de 7 heures avec sa gouvernante. Nathalie. Je monte dire que vous êtes là. La comtesse, pendant qu'elle monte. Elle est charmante, n'est-ce pas? Mon neveu, son mari, est une brute et un coureur. Elle l'a épousé sur un coup de tête, sans amour. Je me suis toujours demandé pourquoi. Le comte, quoi qu'il en soit, ce détail leur facilitera beaucoup la vie par la suite. Villardieu, mon cher comte, notre situation à tous deux est délicate. Ne l'oubliez jamais. Je nous regarde. Vous avez eu un mot malheureux tout à l'heure. Mais sacrebleu, Villardieu, si vous n'étiez pas mon meilleur ami, comment expliqueriez-vous que nous ne nous quittions pas d'une semelle ? Gaston, je vous défends encore une fois de plaisanter avec des choses aussi graves. Que voulez-vous que je fasse ? Que je souffre ? La comtesse, je sais que vous êtes incapable de souffrir. Mais ayez la décence, au moins, de feindre par galanterie ce que vous ne ressentez pas. Nous naviguons tous trois dans des sentiments si embrouillés, ma chère, que si nous devons feindre par surcroît ce que nous ne ressentons pas, nous risquons sérieusement de nous y perdre. La comtesse, ne faites pas d'esprit, tout sera peut-être plus simple. Villardieu conclut sombre. En tout cas, il y a des choses que je ne tolérerai pas. Le général apparaît sur la galerie, avec Nathalie. Le général. Liliane, excuse-moi, j'étais avec Amélie. Je ne t'attendais pas si tôt. Nous sommes venus en voiture automobile. Comment va-t-elle ? Toujours pareil. Bonjour, Gaston. Bonjour, mon général. Toujours vert. Comme les vieux arbres, je refleuris chaque printemps. Je fais illusion, mais le tronc est pourri. Vous nous enterrerez tous. J'espère bien, mais dans quel état ? J'aurais voulu vous enterrer, jeune homme. La comtesse. Léon, je te présente notre bon ami Hector de Villardieu, qui passe l'été chez nous à Trouville et que je me suis permis d'amener. Mon frère, le général Saint-Pé. Le général un peu surpris. Enchanté, monsieur. Villardieu. Très honoré, mon général. J'ai eu l'honneur de servir comme lieutenant au 4e Spahis. Général Roy, vous ne souviens pas. J'ai été affecté en 98, quelques mois après que vous ayez quitté le commandement de l'unité. Ah, c'est pour ça ? Vous avez servi avec Bourdaine ? Oui, mon général. Vous faites pas mon compliment. Officier supérieur déplorable, petite vue, c'est moi qui l'ai fait saquer. Ah ! J'aurais dû rester colonel. C'était le bon temps, le 4e. Des hommes, des chevaux, des arabes pour tirer dessus et pas de femmes à 400 km. À ce moment, on entend appeler « Léon ! Léon !» Il se retourne vers sa sœur et lui demande à mi-voix « Pourquoi m'as-tu amené cet animal ?» Je te dirai. Elle appelle encore ? Plus que jamais. Je lui dis, la comtesse solennelle, Léon, je n'ai rien à cacher à Hector. Ah bon ? On m'avait dit que c'était un diplomate cubain. Enfin, à ton âge, on commence à savoir ce qu'on fait. Comtesse, merci. On entend encore crier là-haut. Léon ! Léon ! Villardieu s'approche très aimable. Vous avez un temps, général ? Général simplement, non, monsieur, c'est ma femme. Villardieu épouvanté, pardon. Général, il paraît qu'on n'a rien à vous cacher. Bon, moi, je veux bien. Elle m'appelle comme ça tous les quarts d'heure. Vous vous y ferez. À ce détail près, la maison est très agréable. La voix appelle encore. Léon ! Léon ! Le général, voilà ! Il monte et se tournant vers Villardieu. D'ailleurs, je suis ravi de vous voir. Nous reparlons du 4e. Mille tonnerres. C'était le bon temps. Il va disparaître, la comtesse lui crie. Mais Léon, tu oublies l'essentiel. Tu nous as demandé par télégramme de venir immédiatement ici. Pourquoi ? Il s'agit d'Ardèle. C'est toute une histoire. Nathalie, commencez à leur expliquer. Je calme Amélie et je redescends. Ardèle est malade ? Où est-elle ? Dans sa chambre. Nathalie te dira. La voix crie encore. Léon ! Le général entre dans la chambre en disant « Voilà, m'amour, j'étais tout prêt. » Il a disparu. La comtesse se tourne vers Nathalie. « Eh bien, Nathalie, quel est ce mystère ?» Nathalie embarrassée. « Tante Liliane, il s'agit de tante Ardèle, oui. Appelez-moi Liliane tout court, Nathalie, je vous en prie, tante Liliane, c'est grotesque. » « Il s'agit de tante Ardèle, Liliane. » La comtesse à Villardieu. « C'est ma sœur aînée. » Celle dont je vous ai parlé, vous savez ? Ah oui, celle qui... Oui ! Villardieu, pour dire quelque chose soudain, c'est bien triste. La comtesse, qu'est-ce qui est triste ? Bah, ça. Et vous ne croyez pas qu'il vaut mieux que je sorte ? La comtesse, vous êtes stupide, asseyez-vous. Vous pouvez parler devant monsieur de Villardieu, Nathalie ? C'est notre meilleure amie. Nathalie hésite encore. Eh bien, voilà. Oh, c'est extrêmement gênant, le conte qu'on oublie dans son coin. Je peux rester. La comtesse, vous n'êtes jamais drôle, Gaston. Faites des efforts pour ne pas être odieux. Et vous, je vous supplie de parler, Nathalie. S'il est vrai qu'elle n'est pas malade, qu'a-t-il bien pu arriver à ma sœur pour qu'on me convoque ici par dépêche ? Je suis probablement sotte, je suis vraiment très gênée. J'aimerais mieux que le général lui-même vous dise. Le général paraît sur la galerie. Ils savent ? Pas encore ? Nathalie rougit, hésite ? Enfin, Léon, nous venons de faire 7 heures d'automobile à tombeau ouvert. J'espère que ce n'est pas pour apprendre que tu nous as fait une plaisanterie. Pour la dernière fois, de quoi s'agit-il ? Général solennel, d'un conseil de famille. Villardieu se lève aussitôt. Je peux sortir, mon général. La comtesse fait, restez, Hector. Un conseil de famille ? Un conseil de famille au sujet d'Ardèle, qui est mon aîné de 3 ans ? Pourquoi diable ? Un conseil de famille restreint. Je n'ai pas voulu convoquer l'arrière-ban pour une affaire aussi pénible, et il faut bien dire le mot, aussi confidentiel. Villardieu, à ce mot, regarde la comtesse et fait mine de se lever, elle le fait rasseoir. Mais tu es la sœur d'Ardèle, Gaston, en somme, et mon beau-frère, le comte. Villardieu est mon ami. Villardieu le regarde. Le général continue. Nathalie, sa nièce par alliance. J'ai même demandé à Nicolas, qui est un homme maintenant, de venir. Nathalie sursaute soudain à ces mots et crie malgré elle comme épouvantée. Nicolas doit venir ? Il reprend plus bas. Enfin, pardon, je ne savais pas que vous lui aviez écrit. Il refusera, probablement. Depuis 2 ans qu'il est à Saint-Cyr, il n'a pas accepté de prendre un jour de permission ici. Mais je l'ai tout de même écrit. Il est le neveu d'Ardel, et il peut avoir à souffrir un jour, lui aussi, du scandale. Il est juste qu'il dise son mot. Du scandale ? D'un scandale à propos d'Ardel ? Mais enfin, tu vas t'expliquer, Léon. Tu as assez parlé par énigme. Villardieu se lève ferme. Je sens que le général hésite. Ma position est fausse. Je préfère sortir. La comtesse le fait rasseoir. Hector, comprenez, une bonne fois qu'on vous demande de rester tranquille et asseyez-vous. Je t'ai déjà dit, Léon, que tu pouvais parler devant monsieur de Villardieu. Gaston, dites-le lui aussi, je vous prie. Parlez, général, Villardieu est un autre moi-même. Sans offense, Villardieu. Général a un geste. Après tout, comme vous voudrez. Je suis un vieux soldat, j'ai ni le temps ni le goût de jouer à cache-cache. Sait-il qu'elle est bossue ? La comtesse Léon. Villardieu est un ami très intime et je lui ai déjà expliqué que ma sœur aînée était en effet légèrement contrefaite. Le général à Villardieu, elle est bossue, carrément. De plus, elle a 40 et quelques Léon. Enfin, elle a 3 ans de plus que toi. Vous verrez tout à l'heure pourquoi je tenais à préciser son âge. Vieille fille, bien entendu. Romanesque, une seule passion, le piano. Vous voyez ça ? Bon. D'ailleurs, vous la verrez sans doute en chair et en os si vous restez au château. Elle sait que nous sommes ici ? Non, pas encore. Mais elle va descendre déjeuner, j'espère. Où est-elle en ce moment ? Dans sa chambre. Dans sa chambre ? Tant Ardel à 11 heures ? Et ses fleurs ? Enfermée. Voilà la clé. Mais enfin, Léon, pourquoi ? Le général regarde Villardieu. Tu tiens vraiment à ce qu'il reste ? Bon, elle a probablement un amant. La comtesse Léon ? Tu rêves ? Je voudrais bien. Je me pince depuis 3 jours, je suis couvert de bleu. Quand je trouve une épingle sur un meuble, je me pique. Quand j'allume mon cigare, je me brûle avec l'allumette pour voir, mais rien n'y fait, je ne rêve pas. Ardel est une infirme, elle est âgée, enfin, je veux dire, elle n'a plus l'âge de... D'ailleurs, l'âge ne fait rien. Mais dans sa situation, avec son état de santé, enfin, jamais quand elle avait 20 ans, Ardel n'a songé qu'elle pourrait se marier. Elle savait bien que personne... Je vais être cruel, mais... Bien qu'elle ait un assez charmant visage, qui d'ailleurs aurait pu ? C'est là que ça se corse. On a pu. Quelqu'un a pu. Quelqu'un a demandé la main d'Ardel. Elle a été assez peu raisonnable pour prendre cette demande au sérieux. On n'a même pas demandé sa main. Ta sœur est tombée amoureuse d'un homme et elle a décidé de fuir avec lui. Prie le ciel qu'elle ne soit pas déjà sa maîtresse. C'est notre dernier espoir. Léon, à présent, tu es odieux. Avec ses sentiments religieux, sa haute tenue morale, jamais Ardel n'aurait pu. Ardel est une sainte, voyons. Peut-être, mais maintenant, c'est une sainte qui veut se marier. Mais enfin, avec qui ? Tu sais que Toto n'a jamais très bien mordu au latin. Je ne vois pas le rapport. Tu vas le voir. Tu sais aussi qu'Amélie, avec sa maladie, ne peut pas supporter l'idée de le mettre en pension. Bref, comme avec le curé du pays, il en est toujours la première déclinaison et qu'avec moi, ça se terminait à coups de poing, j'ai décidé de lui donner un précepteur. Je t'ai toujours dit que ta tranquillité était à ce prix. Ma tranquillité, comme tu dis, en effet. Écoute la suite. Les Vaudreuil me recommandent quelqu'un, un homme merveilleux qui a élevé leur fils aîné. 7 ans chez eux, un puits de science, une âme d'élite, etc., etc. Je le convoque, qu'est-ce que je vois arriver ? Tiens-toi bien, un bossu. Moi, les bosses, ça ne me fait plus rien, naturellement. Il me paraît intelligent, posé, je l'engage. Je prends cependant quelques précautions pour avertir Ardel. On ne sait jamais, une susceptibilité d'infirme. Pas du tout, pas du tout. Ils s'entendent très bien. Ils se découvrent une passion commune, la musique. Les voilà tous les deux, tous les soirs, au piano, dans le grand salon, à chanter du Forêt, bosse contre bosse. C'est d'ailleurs un homme qui a une jolie voix. Je me disais, bon, la musique m'embête, mais ça distrait Ardel, cette maison n'est pas si gaie, et par ailleurs, Toto fait des progrès, tout va bien. Tout allait bien, en effet. Tout allait admirablement bien. Du piano, ils sont passés à la botanique. Ils ont commencé un herbier. Puis ils ont découvert les papillons. Tu les vois sautillant tous les deux dans la prairie, armés de filets de tarlatane. L'idylle a duré 6 mois. Un matin, qu'est-ce que je vois ? Ardel s'était mis du rouge aux lèvres. Je m'étonne, je la questionne, tu sais comme je suis. Je fonce, je la pousse dans ses retranchements, soudain, crac ! Elle fond en larmes, elle m'avoue qu'elle aime le bossu. C'est affreux. Mais enfin, tu lui as fait comprendre, j'espère. J'ai essayé, tu penses bien, mais il n'y a rien à lui faire comprendre. Ma pauvre Liliane, tu ne la reconnaîtras pas. Elle flambe, elle étincelle. Elle a rajeuni de 20 ans. J'ai même l'impression qu'elle se tient droite. Mais lui, je le convoque. C'est un homme d'origine très modeste, plutôt humble de nature. Je me dis, je vais le confondre. Je ne néglige rien, je mets mon uniforme, toutes mes décorations. Je l'attends raide derrière mon bureau comme dans une pièce de Dumas fils. À peine était-il debout devant moi, tout pâle, se doutant du coup, j'attaque. Je le traite d'intrigant, de suborneur. J'avais bonne mine avec l'âge de ta sœur. Ça ne fait rien, j'ai été superbe. Je dois avouer qu'il s'est très bien tenu aussi. Il m'a dit qu'il comprenait parfaitement qu'il ne saurait être question pour lui d'entrer dans notre famille, qu'il ne me demandait rien, mais que ses sentiments étaient là, qu'il aimait Ardelle et que personne au monde ne le ferait renoncer à son amour. Mais enfin, lui as-tu fait entendre ce qu'il y avait de monstrueux dans son état? Il prétend, avec une certaine logique, qu'il est un homme, malgré sa bosse. Et comme Ardelle aussi en a une, tu comprends que j'ai manqué d'argument. Je l'ai franqué à la porte, c'est tout ce que je pouvais faire. Il a refusé dignement l'indemnité à laquelle il avait droit et il est allé s'installer à l'auberge du village où il est encore. Voilà. Et Ardelle? Le premier soir, elle tentait de sortir pour le retrouver. Je l'ai bouclé. Il y a un silence. Villardieu, de plus en plus gêné, dit enfin, se levant, « C'est évidemment très pénible. Vous ne pensez pas qu'il vaudrait mieux que je... » Comme personne ne fait attention à sa tentative, il se rassoit incertain. Le comte qui allume un cigare demande soudain tranquillement, « Croyez-vous qu'ils auront des enfants bossus ?»« La comtesse, Gaston, vous êtes odieux !» Vous pensez bien que la question de cette union ne se pose même pas. De quoi aurions-nous l'air? Que voulez-vous faire? Ardelle est fortuné, majeur, plutôt deux fois qu'une, sans vous blesser, ma chère. Séquestration? Vous vous mettez dans un drôle de cas. Je vais lui parler. Donne-moi la clé. Elle a tiré le verrou, elle ne te recevra pas. J'oubliais de te dire qu'elle refuse les plateaux que je lui fais monter. Depuis 3 jours, elle n'a rien mangé. Général allume un cigare et après s'être brûlé le doigt une dernière fois en vain avec l'allumette, il va taper sur l'épaule de Villardieu. Ah ! C'était le bon temps, le 4e spahi. Villardieu sursaute et se met au garde à vous. Oui, mon général. Général, repos, nous en avons tous besoin. Il va s'étendre sur un canapé. Pendant ce temps-là, la comtesse est montée et a été frappée à la porte d'Ardelle. La comtesse. Ardelle. Ma petite sœur, tu m'écoutes ? C'est Liliane qui te parle. Léon m'a demandé de venir. Je veux absolument te parler. Ardelle, ouvre-moi immédiatement. Ardelle ! Rien ne répond derrière la porte. La comtesse attend un instant, puis elle se détourne découragée. Le général lui crie « Referme !» La comtesse redescend en silence et après avoir rendu la clé au général, s'assoit aussi. Silence très pénible. Villardieu se demande toujours s'il doit se lever ou rester assis. La comtesse se retourne enfin vers le comte. « Dites quelque chose, Gaston !» Le comte doucement. « Tout ce que je pourrais dire me paraît bien inutile. Nous sommes convenus depuis longtemps, ma chère, que l'amour avait tous les droits. »« Mais Gaston, vous êtes donc complètement amoral !»« Entre ces deux êtres difformes, il ne peut être question d'amour. »« De quoi, alors ?»« Il y a autre chose que l'amour. Il y a le monde, il y a le scandale. »« Le monde s'arrange de bien d'autres désordres. Vous le savez comme moi. Il en sourit et les trouve piquants. » Il trouvera celui-ci odieux et grotesque, voilà tout. Ça ne sera jamais qu'une nuance dans l'opinion du monde et un désordre de plus. La femme de chambre est entrée, elle vient au général et annonce « Monsieur est servi ». Le général se lève. « C'est vrai, j'avais oublié de vous le dire. Ici, nous déjeunons à midi. Faites retarder un peu, Ada, et conduisez monsieur à la chambre verte. Tu as la grande chambre du sud avec Gaston, Liliane, comme d'habitude. Nathalie va t'y conduire. Nous tâchons d'y voir plus clair et de parler à Ardelle après le déjeuner. » Tout le monde se lève et se dirige vers les chambres. Le comte a pris le général à part et l'entraîne. Dites-moi, mon cher, il n'y a que cet appareil de téléphone dans la maison? Non, j'ai aussi un récepteur dans la bibliothèque. Parfait. Je vais vous dire, vous savez que notre vie avec Liliane a un peu changé. J'ai vu ça. C'est sans aucune importance, les apparences sont respectées. C'est l'essentiel. Seulement, j'ai une petite amie. Une fille délicieuse que j'ai pris la liberté d'installer à l'auberge du village pour ne pas m'en séparer pendant notre séjour ici. J'aimerais lui téléphoner discrètement. Elle est un peu nerveuse en ce moment, elle m'inquiète. Oui, c'est le grand amour, mon cher. Cet enfant m'adore. Et comme je ne peux lui donner que très peu de montant, elle souffre. L'autre jour, elle a voulu se tuer avec du laudanum. Le général, Mimi Pinson, mais ça doit être adorable. Oui, mais un peu angoissant aussi. À mon âge, c'est presque trop qu'on vous donne tout. Imaginez une petite couturière, un article de Paris plein de tendresse et d'esprit. Farceur, mais c'est merveilleux, quel âge ? 20 ans, 2 yeux noirs, un petit cœur neuf. Vous me la montrerez, cachotier ? Bien sûr, nous irons déjeuner ensemble au village. Après ma rupture avec Liliane, je cherchais une aventure. C'est l'amour qui me tombe dessus. Figurez-vous que je passais rue de la Paix. Il pleuvait à torrents. Je lui offre mon parapluie. Ils vont passer dans la bibliothèque. À ce moment, on entend crier « Léon ! Léon !» Le général s'arrête un instant, puis hausse les épaules. « Zut ! J'y vais pas. Je dirais que j'ai cru que c'était le pan. » Alors, vous dites que vous lui offrez votre parapluie ? Ils sont passés dans la bibliothèque. La scène reste vide. On entend un sifflement, puis le bruit d'un petit train tout sautant qui passe dans la campagne, tout près. Nicolas entre en Saint-Cyrien avec une petite valise. Il est un peu étonné de ne voir personne. Il pose sa valise, commence à enlever son shako et sa baïonnette. Nathalie paraît sur la galerie et s'arrête le voyant. Nathalie, doucement. Tu es venu, Nicolas. Tu vois. Un temps, il continue. J'ai pris le raccourci de la gare à travers le bois. Je me suis arrêté une minute au petit lavoir couvert où une femme avait oublié un linge bleu, comme autrefois. Là, j'ai sauté le mur près des noisetiers à l'endroit de l'ancienne brèche et je suis remonté par les ruches. Je ne sais pas combien de temps vivent les abeilles, pourtant on dirait qu'elles m'ont reconnu. Rien n'a changé dans ce château depuis 2 ans. Tout est là, à sa place. Même toi, Nathalie doucement, même moi. La robe à peine un peu plus longue. Un silence, ils se regardent de loin. Nathalie murmure. Tu es devenu un homme, toi. Tu vois, ça devait tout de même arriver. Oui. Il y a encore un silence pendant lequel ils se regardent sans bouger. Nicolas demande soudain. Nathalie, pourquoi as-tu épousé mon frère? Nathalie ne répond pas, immobile. Le noir, soudain. Quand la lumière revient, c'est après déjeuner. Les portes de la salle à manger sont ouvertes. On aperçoit les convives à table dans le fond. Le comte est au téléphone, jetant des regards inquiets vers la salle à manger. Le comte, au téléphone. Tu es injuste, mon petit rat. Je t'assure que je ne peux pas parler plus haut. Parce qu'il y a du monde à côté. Non, mon petit lapin, je ne te néglige pas, mais tu sais que je suis ici pour une importante affaire de famille qui va être bientôt réglée. Je m'arrangerai pour venir te voir aussitôt. Mais si, je me rendrai libre. Mais non, mon petit loup, pas pour une demi-heure. Pour 3 quarts d'heure au moins, ou 1 heure. Mais tu sais bien que je ne fais pas ce que je veux, Josette. Si je t'aimais, mais je t'aime. Je t'en supplie, ne raccroche pas, ne raccroche pas. Il murmure encore dans l'appareil vide. Ne raccroche pas. Puis le pose avec un soupir et retourne dans la salle à manger. Il croise les enfants qui en sortent, Marie-Christine. Pourquoi ils nous ont permis de nous lever de table ? Toto, t'as pas compris? C'est parce qu'ils voulaient se parler. Ils ont essayé pendant tout le déjeuner. Mais quand ça commençait à devenir intéressant, il y en avait toujours un qui toussait en nous regardant. Qu'est-ce que tu crois qu'ils voulaient se dire? Des saletés. Quand ils vous font sortir, c'est toujours pour se dire des saletés. Mais quelles saletés? Des histoires d'amour. Maintenant qu'on est sortis, ils vont commencer. Si tu veux qu'on écoute, je connais un coin d'où on entend tout. Non, ça m'amuse pas. J'aime mieux qu'on joue à se déguiser avec leurs affaires. On se ferait des scènes, on serait mariés, tu comprends? On se battrait. On entend la générale crier là-haut. Léon! Léon! Marie-Christine, qu'est-ce que c'est? On dirait un oiseau. Toto, tu parles d'un oiseau. C'est maman qui appelle papa. C'est comme ça tous les quarts d'heure. Pourquoi elle l'appelle? Pour savoir où il est. Pourquoi elle veut savoir où il est? Parce qu'elle a peur qu'il soit avec la bonne. Attention! Ada est entrée portant le café. Toto demande Angélique. Alors, Marie-Christine, tu veux qu'on joue aux billes ou si tu préfères qu'on aille donner du pain peint aux carpes sur la terrasse? Ada, si vous allez aux carpes, attention à ne pas tomber dans le bassin, monsieur Toto. Toto, trop poli pour être honnête. Oui, Ada. Ada, et vous serez gentil avec votre petite cousine, n'est-ce pas? Toto sortant hypocrite. Je pense bien, on va jouer au papa et à la maman. Ada dispose les tasses et la cafetière sur une table basse. Le général entre brusquement. Où sont les enfants? Ils sont sortis sur la terrasse. Le général se rapproche. Qui était cet homme tout à l'heure dans la cuisine? Le plombier pour la fuite du second. Ce n'est plus Cottard. C'est son ouvrier. Cottard dit qu'il est trop vieux maintenant pour faire la route à bicyclette. Celui-là est trop jeune. Je ferai venir un plombier de Châtellerault. Il sera peut-être aussi jeune. Alors tant pis, je laisserai l'eau pisser partout dans cette maison. Qu'est-ce qu'il te disait qui te faisait rire? Chaque fois qu'on entrouvrait la porte de l'office, je t'entendais. Ada rit bêtement. Des bêtises. Vous savez bien ce que c'est que les hommes. Quand ça voit une fille, il faut que ça lui dise des mots. Le général se décompose et devient vieux soudain et murmure. Ada, oui ? Ne me trompe pas. Je t'aime. Il détourne les yeux. Enfin, j'ai besoin de toi. Je sais que tu ne peux pas m'aimer, mais je te donnerai tout ce que tu voudras. Sans ton odeur, sans ton corps chaque jour touché, je suis comme un petit garçon seul au monde dans cette maison. Il la regarde. Je te fais rire, idiote. Je suis aussi drôle que le plombier. Villardieu est entré, le général enchaîne. C'est ça. Apportez les liqueurs, Ada. Ada, bien monsieur. Elle sort. Le général allume un cigare. Il entend un à Villardieu qui vient s'asseoir près de lui. Le général, en allumant le sien, se brûle avec l'allumette à tout hasard et constate déçu. Non. Il répond au regard étonné de Villardieu. Il faut bien se rendre à l'évidence. On ne rêve jamais. Vous ne le regrettez pas, vous, le quatrième spahi? Quelquefois, général. Vous n'êtes pas heureux non plus? Liliane est pourtant charmante, un peu folle, mais charmante. Je ne sais pas comment elle s'arrange, voilà 10 ans qu'elle rajeunit. Qu'est-ce qui ne va pas? Je me demande s'il m'est possible, mon général. Bon, au point où nous en sommes tous dans cette maison, il ne nous reste plus qu'à ne pas être hypocrite. Pourquoi êtes-vous pas heureux? Villardieu sombre. Je suis jaloux. Ah diable, d'un ouvrier plombier? Villardieu a huri par cette question. Pourquoi d'un ouvrier plombier? Je ne sais pas, une idée, ça aurait été une coïncidence amusante. Je crois que la comtesse aime encore son mari. Liliane est capable de tout. Et on a beau être de son temps, tout admettre, il y a une certaine netteté de sentiment qui est tout de même indispensable. Je contrôle leur vie commune. Vraiment? Oui, je suis toujours là. Je ne couche plus chez moi, je ne prends plus jamais mes repas au cercle. J'ai, Dieu merci, une fortune qui me permet de ne pas m'occuper d'autre chose. Nous avons bien entendu chacun notre chambre à cause des domestiques et de Marie-Christine. Cette villa normande est de verre, on entend tout. Il ne saurait être question pour Liliane d'aller chez moi, ni pour moi d'aller chez elle. Mais je passe mes nuits à surveiller la porte du comte. Je crains qu'il ait des rendez-vous secrets. Mais dites-moi, cette villa ne doit pas être commode du tout. Alors, ma sœur et vous, il a un geste. Nous sommes entre camarades, sacrebleu! Villardieu secoue la tête. Jamais. Ou presque jamais. Comme Liliane est jalouse du comte et qu'elle veut l'empêcher à tout prix d'aller voir sa petite amie, elle s'arrange pour ne pas le quitter de tout le jour. Thé, exposition, course, nous allons partout, tous les trois ensemble. Et la nuit, pendant que je surveille sa porte, elle surveille la sienne. Le comte est le seul d'entre nous qui pourrait dormir. Je dis qui pourrait? Car sa petite amie, qu'il ne peut jamais voir, lui fait des scènes, et je suis persuadé qu'il ne dort pas non plus. Le général, en somme, ça ne doit pas être très rigolo, mais ça me paraît assez moral, votre histoire. Entre le comte et la comtesse, suivi de Nathalie et de Nicolas. Eh bien, Léon, lui parlons-nous? Le général, le problème est de la faire sortir de sa chambre. Il lui tend la clé. Veux-tu essayer? La comtesse, elle a déjà refusé de m'écouter. Essaie encore. Moi, elle m'en veut. Si ça peut arranger les choses, je t'autorise à lui dire qu'il te paraît excessif que je l'ai enfermé. La comtesse prend la clé et monte. Villardieu se lève. Dois-je sortir? Personne ne lui répond, il se rassoit. Le comte allume un cigare et s'installe. Le comte. Moi, je trouve qu'elle a beaucoup de cran, tantardelle. 3 jours sans manger. Elles étaient fameuses, vos truites, général. À Nathalie et Nicolas qui sont assis près de lui. Vous n'avez jamais essayé de faire la grève de la faim, vous? Nathalie, jamais. Le comte à Nicolas. Toi non plus? Nicolas, non, mon oncle. J'ai essayé, moi, une fois. J'ai tenu jusqu'au fromage. Arrivé là, j'ai compris que c'était trop bête et qu'il fallait vivre tout de même. Le général, c'est bien mon avis. Comme Nicolas s'est retourné vers Nathalie et qu'il la regarde, le général demande. C'est pas le vôtre, Nathalie? Nathalie, si, bien sûr. Général, et toi, ne prends pas cet air abruti, Nicolas. On t'a fait venir parce que le scandale de Tantardelle risque de rejaillir un jour sur toi, comme sur les autres. Tu es bien jeune, mais écoute et tâche de te faire une opinion. Quand il s'agira de prendre une décision tout à l'heure, on te la demandera. La comtesse a tourné la clé dans la serrure d'Ardel. Elle écoute un peu, puis commence. Ardel, c'est Liliane. Nous sommes tous là. Gaston, Nathalie et même Nicolas, qui est venu spécialement en permission pour te voir. Le comte, dis-lui aussi qu'il y a Villardieu, ça la touchera. La comtesse hausse les épaules et continue. Nous voulons te dire que nous sommes tous révoltés du traitement inadmissible que t'a fait subir Léon. Général, n'exagère pas, elle va se croire une martyre. La comtesse, et nous voudrions t'en parler affectueusement. Veux-tu ouvrir? Nous aimerions venir t'embrasser dans ta chambre. Ou bien tu pourrais descendre au salon où nous sommes tous réunis. Qu'est-ce que tu dis? La comtesse se penche à la porte, tout le monde écoute, la comtesse se retourne. Elle dit que sa décision est prise, qu'elle n'ouvrira à personne et qu'il faut la laisser mourir. Général, mourir, mourir par désespoir d'amour. Moi aussi, j'étais désespéré à en mourir une bonne douzaine de fois. Est-ce que je suis mort, sacrebleu? Non, au compte. Et vous? Moi non plus. Général, c'est bon. Une porte, ça s'enfonce. Un levier, deux hommes, exécution. La comtesse reste calme, Léon, nous n'obtiendrons rien que par la douceur. Elle revient à la porte. Ardelle, je suis ta petite sœur. Léon m'a raconté ton histoire, et j'ai beaucoup de peine pour toi. Je voudrais bavarder avec toi de ce qui t'arrive. Tu sais que, bien que ta cadette, j'ai une plus grande expérience de la vie que toi. J'aimerais te donner un conseil. Elle écoute et se redresse mincée. Tu es odieuse, Ardelle. Général, qu'est-ce qu'elle t'a dit? La comtesse qui redescend hors d'elle. Elle a été extrêmement désagréable avec moi. Fais ce que tu veux, Léon, moi je ne m'en mêle plus. Général, mais enfin, dis-nous ce qu'elle t'a dit, saperlotte. Si nous passons notre temps à nous vexer tous, nous n'en sortirons jamais. La comtesse, ma vie privée ne regarde personne, surtout pas ma famille. C'est-à-dire, je me demande comment elle peut savoir. Ça me donne une jolie idée de vos conversations quand je ne suis pas là. T'ai-je jamais jugé, Léon? Toutes les fois que j'étais surpris les mains dans les jupes de tes femmes de chambre, ai-je seulement fait semblant de te voir? Le général, quelle jupe? Quelle femme de chambre? Sors immédiatement, Nicolas. Non, d'ailleurs, c'est trop tard, reste. C'est pas ma faute. Si ta tante est folle, il crie soudain, mille tonnerres, Liliane apprend que je fais cibler. La comtesse nez à nez avec lui. Moi aussi, figure-toi, mon petit Léon. Le comte, calmement derrière eux. Tante Ardelle aussi, voilà tout. Vous êtes extraordinaire. Pourquoi ne voulez-vous pas lui reconnaître les droits que vous vous reconnaissez? Ne vous faites pas plus naïf que vous n'êtes, Gaston. Vous savez bien qu'il ne s'agit que de respecter les apparences, de ne pas offrir le scandale en pâture au monde. Il faut bien que le monde ait quelque chose à se mettre sous la dent. Et puis, enfin, parlons net. Malgré son âge, nous sommes obligés de considérer Ardelle comme une enfant irresponsable. Que peut-elle savoir de l'amour? De l'amour comme vous l'entendez, comme je l'entends, comme l'entendent le général, Villardieu ou Nathalie. Rien peut-être, mais de l'amour comme l'entend Ardelle, tout sûrement. Et qui peut dire si ce n'est pas précisément cela, l'amour? Vous vous amusez comme d'habitude, ce que vous dites n'a aucun sens commun, mon ami. On entend crier là-haut, Léon! Léon! La comtesse demande, c'est le pan? Le général, non, c'est Amélie. Il crie, voilà! Il monte et leur crie soudain de la galerie. Je suis resté 10 ans à portée de voix de cette folle. J'aurais pu vivre, moi aussi. Les jupes de mes femmes de chambre, c'est tout ce que la vie m'a laissé. Alors qu'on vienne pas me les reprocher, maintenant. Il va à la porte et dit d'autre voix, je suis là, Amélie. Nous sommes tous là. Nous bavardons. De quoi? De la pluie et du beau temps. Dors un peu. Il referme la porte. Je vous donne 10 minutes pour la décider. Sinon, je fais sauter la porte. Le comte. Et après? Si elle refuse de manger, je la gave. Comme une autre. Le comte. Et après? Elle mange normalement. Elle reprend son piano. Elle oublie son bossu. Tout rentre dans l'ordre. Vous pouvez disposer. Rompez les rangs. Le comte. Et si ça ne se passait pas exactement comme ça? Si elle était vraiment désespérée, si cet amour qui vous paraît grotesque était sa seule raison de vivre maintenant. Général, c'est bien ennuyeux, j'en conviens, mais figurez-vous que tante Ardelle a une âme dans sa bouche. C'est possible. Les têtes de cailloux qu'on m'expédiait comme recrue dans le sud marocain en avaient une aussi, théoriquement. Mais si j'en avais tenu compte, je n'aurais seulement pas réussi à les faire mettre en rang par 4. Il faut savoir ce qu'on veut, n'est-ce pas, lieutenant? Villardieu sursaute et se met au garde-vous. Oui, mon général. Le comte dans son dos. Repos, Villardieu. Jette son cigare de rage et va respirer l'air du jardin. Le comte continue posément. D'abord, nous sommes en Indre-et-Loire. La guerre est finie dans le sud marocain. Tante Ardelle n'est pas une recrue, et vous, mon général, vous nous jouez soudain les vieilles badernes, mais je vous connais, vous n'en pensez pas à un mot. Voulez-vous que j'essaie de lui parler, moi? Il me semble que je m'y prendrai mieux que vous. Général, à votre aise, mon vieux, mais j'ai pas grand espoir. Le comte est monté pendant ce temps jusqu'à la porte d'Amélie. Il commence. Tante Ardelle, c'est Gaston. Vous êtes malheureuse, tante Ardelle, et je ne suis pas très heureux non plus. Ça vous ennuierait tellement que nous bavardions un peu, tous les deux, sur le bonheur. La comtesse, voilà un début qui promet. Le comte, on fait ce qu'on peut. Si vous trouvez mieux, venez à ma place. Il écoute et sourit. Eh bien, tante Ardelle, je suis très content d'apprendre que vous m'aimez bien. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Général, ils se font des déclarations d'amour maintenant. Elle va croire qu'elle tourne la tête à tout le monde. C'est gay. La comtesse. Tout ça est d'une sottise. Pendant ces répliques, le comte a écouté attentivement à la porte. Le comte. Tante Ardelle, d'abord, ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas vieille. Vous venez de nous le prouver. La comtesse. Bien sûr qu'elle n'est pas vieille à 40. Enfin, c'est pas de son âge qu'il est question. Le comte, vous avez toute la vie devant vous, tante Ardelle. Et la vie est pleine de petites joies humbles pour chaque jour. Pensez à votre piano, à vos fleurs, à vos aquarelles. C'est bon tout ça aussi. Il écoute. Mais non, c'est bien plus important que vous ne le croyez. Nous sommes trop exigeants, tante Ardelle. La vie est faite de pièces de deux sous. Il y en a une fortune pour ceux qui savent les amasser. Seulement, nous les méprisons. Nous attendons toujours que la vie nous règle avec un billet de 1000. Alors nous restons pauvres devant le trésor. Les billets de 1000 sont rares, tante Ardelle. Il se retourne vers les autres. Je n'ai aucune conviction pour lui débiter tous ces lieux communs. C'est bien pour vous rendre service. Il écoute. Pardon, tante Ardelle ? Le général, qu'est-ce qu'elle répond ? Le comte se retourne. Elle me répond avec assez de bon sens que lorsqu'on trouve un billet de 1000, il ne faut pas le laisser filer. Le général, parlez-lui de son devoir. C'est un truc qui réussit quelquefois. Dites-lui que moi aussi je les ai vus passer les billets de 1000 un par un et que je suis resté. Le comte, tante Ardelle, on me demande de vous parler de votre devoir. Nous sommes quelques-uns dans ce salon qui nous croyons libres et dont la vie est, dans une certaine mesure, un objet de scandale. La comtesse. Gaston, c'est insensé, c'est pas de nous qu'il s'agit, le comte. Eh bien, tante Ardelle, si nous ne nous conduisons pas tout à fait bien, c'est parce qu'il nous reste à tous une vague petite notion de devoir au fond de notre désordre qui fait que nous n'avons pas le courage de nous conduire tout à fait mal. Le général, il s'embrouille. Enfonçons la porte et finissons-en. Le comte. Je parle pour moi comme pour les autres, tante Ardelle. Vous êtes gentil, tante Ardelle, mais je suis malheureux tout de même, et je vous assure que ça me fait une belle jambe d'avoir raison. La comtesse. Gaston, vous n'allez pas en profiter pour vous plaindre. Le comte se bouche une oreille comme s'il était au téléphone. Moins de bruit, s'il vous plaît, j'entends rien. Allô, allô. Ne coupez pas, tante Ardelle. Vous dites que Léon vous dégoûte ? Général, ah ça c'est le bouquet. Elle tombe amoureuse d'un bossu, c'est moi qui la dégoûte. Le comte. Léon vous dégoûte, ma pauvre tante Ardelle, parce qu'il est resté près d'Amélie et qu'il compose comme il peut. Ce sont toujours de bons sentiments qui nous font faire de vilaines choses. Avec moins de tendresse pour elle, il l'aurait mis dans une maison de repos depuis 10 ans et vous n'auriez pas à le juger. Rien n'est si simple, tante Ardelle. Et pour Liliane, Villardieu et moi, c'est pareil. C'est par excès de scrupules que nous en sommes là. La comtesse lui crie, Gaston, il est question de tante Ardelle et d'un bossu, pas de moi ni de Villardieu. Villardieu monte 4 à 4 jusqu'au comte sur la galerie. Comte, je vous avertis, cette histoire ne me regarde en rien. Je ne souffrirai pas qu'on y mêle ma vie privée. Le comte lui demande, et la mienne, Villardieu, comme il vous plaira. Le comte gentiment. Vous me faites rire, mon vieux. C'est la même. Il se penche à la porte. Non, je parlais à quelqu'un, tante Ardelle. À Villardieu. C'est un grand ami de Liliane et de moi. C'est ça. Vous avez bien compris, tante Ardelle. Ça fait long depuis quelque temps. Si je souffre ? Pas exactement. Vous en êtes tout au début, tante Ardelle. Attendez un peu. Cette grande faculté de souffrir s'émousse aussi. Évidemment, si la première année, j'avais perdu Liliane, la comtesse. Gaston, tu es l'impudeur même pour la dernière fois. Ce n'est pas notre procès que nous faisons, c'est celui d'Ardelle. Le comte, mais c'est le même, ma pauvre Lily. Villardieu sursaute. Comment, votre pauvre Lily? Mais qui vous autorise, monsieur? Le comte, repos, Villardieu. Liliane, c'est pas ton procès, ni le mien, ni celui du général ou d'Ardelle ou de Villardieu. Nous faisons le procès de l'amour. Tant Ardelle a l'amour caché dans sa bosse, comme un diable. L'amour tout nu et éclatant dans son cortiforme, sous sa vieille peau. Et nous qui trichons tous avec l'amour depuis je ne sais combien de temps, nous voilà nez à nez avec lui maintenant. Quelle rencontre ! La comtesse d'un autre ton soudain. Elle te fait peur ? Comment ? Vous vous tutoyez maintenant ? Le comte, je t'ai aimé, Liliane. Il y a quelque 15 ans, quand j'étais te prendre chez ton père, j'ai vu l'amour en face et je n'ai pas eu peur. C'est quand on commence à le voir de biais ou par derrière, quand il s'éloigne, qu'il est terrible. Et ton nouveau grand amour au doigt, piqué de trous d'aiguilles, te fait-il peur aussi? Je suis bien usé, Liliane, pour avoir peur de mes sentiments. Mais quand je la regarde me regarder, oui, un peu. Tu te crois donc aimé? Mais tout le monde sait que cette petite se moque de toi, mon ami. Puisse le monde dire vrai qu'il y ait plus d'amour nulle part que dans la bosse de tante Ardelle et qu'on ait moins mal tous. Mais c'est comme à ce jeu d'enfant où on se passe une allumette enflammée, petit bonhomme vit encore. Ou on se brûle les doigts, ou bien, si on s'est débarrassé assez tôt de l'allumette, on regarde les autres se brûler, et ça n'est guère plus gai. Général, mais enfin, sacre-le ! Est-ce qu'on pourrait pas s'aimer sans se faire mal ? Est-ce qu'on pourrait pas se foutre un peu la paix ? Le comte, la paix ? Général, parlez-nous de la guerre. Les militaires ont toujours eu des idées enfantines sur la paix. Je ne plaisante pas, Gaston. C'est une idée qui me travaille. C'est entendu, ma femme est devenue folle par amour pour moi. Elle souffre. Bon, et c'est ma faute. Je fais ce que je peux. Je voudrais pourtant vivre, sacrebleu, sans larmes, sans reproches et sans coups de poignard. Il doit y avoir un moyen. Il y a bien longtemps qu'on le cherche. Mais il y en a qui l'ont trouvé, mille tonnerres. Le monde est plein de gens heureux. Quelquefois, quand je peux m'échapper un quart d'heure, je les regarde aux terrasses des cafés qui s'abordent, qui se sourient, qui prennent des femmes par la taille. Enfin, bougre, ce sont des hommes, ce sont des femmes. Et ils sont gras, ils composent tranquillement leur menu, ils se demandent s'ils iront au théâtre après ou bien s'ils rentreront se coucher. Je les regarde dans mon coin comme un vieux sot, abasourdi. J'ai envie de les aborder, de leur demander la formule. Ils ne sauraient pas vous la dire, mon général. Ils se croient tous de grands amoureux, mais elle est simple. Vous la connaissez, vous ? Oui, ils n'aiment pas. Il y a très peu d'amour dans le monde. C'est pour ça qu'il roule encore à peu près. L'amour maladif d'Amélie vous est insupportable. Mais si vous n'aimiez pas votre femme, ou si du moins vous ne l'aviez pas aimée, s'il ne restait rien en vous du petit lieutenant à lorgnon qui a cru bâtir la vie avec elle, vous seriez à la terrasse d'un café, bien tranquille en ce moment, avec une autre, vous aussi. Vous seriez un homme. Mais enfin, Amélie aurait pu ne pas exagérer, elle aurait pu ne pas devenir folle, par exemple. Détrompez-vous, c'était le moins qu'elle pouvait faire, ou alors c'est que vous n'auriez pas reçu grand-chose d'elle autrefois. L'amour vous a comblé un soir ou 10 ans, maintenant il faut payer la note. L'amour se paie à tempérament, mais on est généreux, on vous donne du temps pour régler, quelquefois toute la vie. Mais pourquoi cette ardeur à se déchirer, comme si on se voulait personnellement du mal? Pourquoi ne pas tâcher de limiter les dégâts? C'est la guerre, général. Vous êtes pour la guerre humanitaire, vous? Suppression des dents à la baïonnette, contrôle international du format de la balle pour qu'elle tue, mais que la blessure soit bien propre. Une fois qu'on a commencé, tous les moyens sont bons. Et il faut qu'il y en ait un qui ait la peau de l'autre. Voilà tout. La comtesse, votre cynisme est vraiment forcé, Gaston. À vouloir être trop brillant, vous pensez faux. Vous savez bien que l'amour, c'est avant tout le don de soi. Villardieu, qu'on avait oublié, s'écrit soudain avec force. Parfaitement. Le comte, pauvre Villardieu. Vous croyez cela, vous aussi? Et je me dépouille, et je me déchire, et je me tue pour l'être aimé. C'est vrai, tant que l'être aimé est cette projection idéale de moi-même, tant qu'il est mon bien, ma chose, tant qu'il est moi, c'est si bon de sortir de l'immonde solitude. À soi-même, sincèrement, on n'oserait pas. Mais tout donner à cet autre qui est vous, quelle bonne pluie d'été sur un cœur racorni. Jusqu'au moment où, caprice, hasard, l'autre redevient un autre, sans plus. Alors on arrête les frais, naturellement. Que voulez-vous? Donc qu'on donne à un autre sur cette terre, ça serait de la philanthropie, ça ne serait plus de l'amour. J'ai l'impression que nous allons nous perdre. Revenons à Tantardelle ou laissez-moi enfoncer la porte. Nous ne l'avons pas quitté, général. Tantardelle est l'amour. Si nous persuadons Tantardelle de renoncer à tout donner à son bossu, c'est-à-dire à elle-même, c'est que nous pouvons tous guérir. Villardieu, vous aimez ma femme. Général, vous aimez la vie. Liliane, pour toi, maintenant c'est plus simple, tu es arrivé au stade où on se l'avoue presque, tu t'aimes, toi. Et depuis que tu t'es senti vieillir, tu as eu peur de ne pas te retrouver assez dans mes yeux et tu t'es mise à en chercher d'autres, coûte que coûte, pour t'y contempler. C'est pas de moi qu'il faut être jaloux, Villardieu. C'est d'elle. C'est avec elle qu'elle vous trompera, vous aussi. Gaston, tu as dépassé les bornes du cynisme maintenant. Tais-toi ou je sors de cette pièce. Villardieu, m'autorisez-vous à le faire taire par la force, Liliane. Il prend le comte par la cravate. Comte! Si vous n'êtes pas un lâche, vous me rendrez raison de tout. Épargnez-moi la nécessité de vous souffleter. Entendu, mon vieux, nous nous piquons l'avant-bras quand vous voudrez, mais ça n'arrangera rien. Il se retourne soudain vers la porte. Allô, Tantardelle, on nous avait coupé. Que disiez-vous? Qu'on ne vit qu'une fois. Criez moins fort, je ne vous comprends pas bien. Vous dites que vous avez attendu plus de 40 ans cette joie qui vous fait sortir de vous-même. Sortez, Tantardelle, sortez de vous-même. Faites 3 petits tours, embêtez tout le monde. Vous avez bien raison, puisque de toute façon, il vous faudra un jour rentrer toute seule dans votre bosse pour y mourir. Mais vous vous trompez sur un point. Heureusement qu'on ne vit qu'une fois. C'est amplement suffisant. Il s'éloigne de la porte, fatigué soudain. Assez. Un peu à vous d'interroger l'oracle. Les vérités premières me fatiguent, et puis ça me fait prendre un ton pathétique dont j'ai horreur. Allons ? À qui le tour ? Y a-t-il un abatteur pour convaincre Tantardelle? Nicolas. Moi! Il s'est levé soudain, il court comme un fou à la porte et tape dessus à coups de poing. Il crie avant qu'on ait pu l'empêcher. Tantardelle! C'est Nicolas! Tenez bon! Moquez-vous d'eux! Moquez-vous de ce qu'ils appellent le scandale! Aimez Tantardelle, aimez si, qui vous voudrez! Ne les écoutez pas, s'ils ne vous disaient pas que vous êtes trop vieille et bossue, ils vous diraient que vous êtes trop jeune, mais de toute façon, ils essaieraient de vous empêcher d'être heureuse et d'aimer. Nathalie a bondi près de lui. Nicolas, tu es fou, je te défends! Je te défends de parler, tu entends? Tu n'as pas le droit. Il se retourne vers elle, flamboyant. Tu ne peux plus rien me défendre, maintenant que tu as épousé mon frère. Que peux-tu me défendre? De leur dire que je t'aimais et que tu m'aimais, qui nous ont forcés à nous perdre pour toujours comme ils veulent la forcer, elle. Et toujours pour les mêmes raisons, parce qu'il est trop tôt ou trop tard. Oui, je veux leur dire, oui, je veux leur dire. Je ne suis revenu ici que pour cela, le général. Allons, bon, il ne manquait plus que cette histoire-là, maintenant. Nicolas, monte dans ta chambre. Nous avons fait ce que nous avons cru être notre devoir. Le comte crie soudain. C'est ça, montons dans nos chambres. Enfermons-nous tous comme Tantardelle. C'est ce que nous pouvons faire de mieux, ne plus nous voir. Nicolas, Tantardelle, avant qu'il me fasse taire, vous m'entendez? Il faut t'aimer. Il faut t'aimer contre eux, Tantardelle. Il faut t'aimer contre tout. Il faut t'aimer de toutes vos forces pour ne pas devenir comme eux. Le général qui lutte avec lui. Nicolas, c'est assez maintenant. Je t'ordonne de lâcher cette porte. Il a réussi à l'arracher de la porte. Et de taire. C'est vraiment pas ce qui me retient de te gifler. Nicolas le regarde et lui dit doucement. Moi, je le sais. La honte, papa. Le général Grommel vaincu. La honte. De quoi? D'essayer de mettre un peu d'ordre dans la baraque. D'essayer de faire le moins de mal possible et de vivre tout de même un peu avant de mourir. À ce moment, la voix crie « Léon ! Léon !» Et presque en même temps, le pan crie lui aussi du jardin « Léon ! Léon !» Le général explose. « Allons bon, le pan et elle, en même temps ! Zut, j'en ai assez, moi !» Au milieu de tous ces cris, d'autres cris plus perçants, on entend Ada crier « Monsieur Toto ! Monsieur Toto, je vous défends, mademoiselle Marie-Christine ! » Ada entre, tentant de séparer Marie-Christine et Toto qui se battent férocement. Le général hurle. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe, mille tonnerres? On ne pourra donc jamais être tranquille dans cette maison. La comtesse qui voit son chapeau sur la tête de sa fille. Marie-Christine, mon chapeau! Le comte, criez pas tant, Toto a le mien. Ada, monsieur, j'arrive pas à les séparer. Ils se battent comme des chiffonniers. On se jette sur les enfants, on les sépare. Toto hurle, solidement maintenu. On ne se bat pas comme des chiffonniers. Vous n'y comprenez rien du tout. On est mariés. On joue à se faire des scènes. Général, des scènes de quoi, bougredane à grands coups de pied? Toto, des scènes d'amour. Général, c'est bon. Filez tous les deux immédiatement à la cuisine, où je vous assomme. Et si vous retouchez aux vêtements, vous aurez affaire à moi. Ada entraîne les enfants. À ce moment, le téléphone sonne, strident. Le général va à l'appareil et demande agacé. Allô? Est-ce que c'est encore? Comment? Comment? Ah bon? Je vous le passe. C'est pour vous, Gaston. Le comte, puis-je prendre dans la bibliothèque? Pas maintenant que j'ai décroché ici, vous seriez coupé. Le comte prend l'appareil. Après tout, tant pis. Le général, mais vous avez raison, tant pis, faut que ça éclate. Moi, j'en peux plus. Une voix crie encore là-haut. Léon ! Léon ! Le général lui répond, exaspéré, sans bouger. Oui, je suis là. Le comte à l'appareil. Mais mon chéri, mais mon tout petit lapin, mais mon tout petit loup, puisque je t'assure, mon tout petit rat. La comtesse, assez Gaston, vous êtes ridicule avec cette ménagerie lilliputienne. On vous écoute. Le comte. Mais je t'aime, mon petit, je te jure que je t'aime. Ne fais pas ça. Ne fais surtout pas ça. Allô? Allô? Josette? Il raccroche précipitamment. Elle a raccroché. Pouvez-vous me procurer une voiture immédiatement, général? Je vais faire atteler. Pourquoi? Elle vient de boire du laudanum. C'est pas la première fois qu'elle essaie, faut que je file tout de suite là-bas. La comtesse Gaston, vous vous couvrez de ridicule. Vous croyez donc que cette petite guedon vous aime assez pour se tuer? Assez pour faire semblant, sûrement. Et un beau jour, elle peut très bien ne pas réussir à se rater. Ça va être trop long d'atteler. Villardieu! Je ne vous ai jamais rien demandé, mais je crois que vous me devez cela. Il faut que je l'ai fait vomir avant un quart d'heure. Conduisez-moi avec votre dieu. Soit, si Liliane le permet. Mais après, vous me rendrez compte de tout. À vos ordres. La comtesse, pendant qu'il sort. Mon pauvre ami, vous êtes lamentable. Allez donc vite le faire vomir, votre tendron. J'ai pitié de vous. Le comte s'arrête sur le seuil. Moi aussi, Liliane, j'ai pitié de nous. Heureusement que nous sommes ridicules, sans quoi ça serait vraiment trop triste, cette histoire. Il est sorti suivi de Villardieu. La comtesse hausse les épaules. Elle se regarde dans une glace au passage, masse ses rides. C'est trop bête. C'est vraiment trop bête. Si seulement tout cela ne faisait pas vieillir. Je vais m'étendre, Léon. Je suis rompu. Elle est entrée dans sa chambre. Le général n'a pas bougé. On entend la voix qui crie « Léon !» Léon ! Le général machinalement. Voilà ! Il monte lourdement les marches et rentre dans la chambre de sa femme. Nicolas et Nathalie sont restés seuls. Ils n'ont pas cessé de se regarder depuis tout à l'heure. Nicolas, nous ne pouvons plus nous taire maintenant. Nathalie. Nathalie, tu veux dire que nous ne pouvons plus que nous taire, au contraire, pour toujours ? Non. Ce soir, quand ils dormiront tous, je descendrai comme autrefois. Je t'attendrai dans le recoin des jours de pluie sous l'escalier. Tu descendras. Non. Si. Tu dis non, mais tu trembles, Nathalie. Tu m'aimes. et mon frère est un voleur que je méprise. Tu descendras. Le noir se fait brusquement. Une faible lueur revient. C'est la nuit. La scène est vide. Il pleut à torrents dehors. Pendant quelques instants, on entend seulement le bruit de la pluie. Puis une ombre s'avance en bas. Elle s'immobilise soudain et se dissimule dans les replis d'une tenture. Un craquement, Toto paraît dans sa longue chemise de nuit sur la galerie. Il écoute un instant à la porte du général, puis descend et se dirige vers la porte du vestibule et disparaît. L'ombre sort de sa cachette. C'est Nicolas, étonné du manège de son petit frère. Il observe un instant la porte du vestibule et vient se blottir dans un recoin où il y a un petit divan sous l'escalier. Toto reparaît bientôt, toujours en chemise de nuit, mais surchargé de chapeaux, de cannes, de vêtements qu'il a été volé dans l'entrée. Il rentre dans sa chambre. Nicolas le suit des yeux, intrigué. Il allume une cigarette. À la lueur de l'allumette, on le voit sourire du manège de Toto. Tout retombe dans l'ombre et le silence. Une pendule sonne 11 ou 12 coups, on n'en est pas sûr, quelque part dans la maison. Une silhouette paraît alors dans le jardin. C'est le comte qui rentre, trempé, les pantalons retroussés en imperméable avec un parapluie et son canotier. Sa silhouette est légèrement ridicule. Il tâtonne un peu à la porte pour trouver le commutateur. Nicolas a éteint sa cigarette et s'est enfoncé sous l'escalier. Le comte a enfin trouvé le bouton. Une pâle lueur venant d'une torchère, un amour de bronze au pied de l'escalier, éclaire faiblement la scène. Le comte referme son parapluie mouillé, le pose et commence à monter sur la pointe des pieds, passant devant Nicolas sans le voir. Comme il arrive sur la galerie, la porte de la comtesse s'ouvre. Elle paraît sur le seuil en déshabillé. La comtesse à mi-voix. C'est vous ? Le comte. Oui. Dans quel état ? Il pleut beaucoup et je me suis trompé de chemin pour revenir. Vous allez prendre mal. Je n'aurai pas cette chance. Il fait un pas, la comtesse l'interroge. Alors ? Il la regarde. Qu'est-ce que cela vous peut vous faire ? Elle est hors de danger. Elle demande avec une nuance d'ironie. Et consolée ? C'est une autre histoire qui n'a pas à vous intéresser. Si vous le voulez bien, je vais m'étendre sur le divan de cuir de la bibliothèque. Il fait un pas. Gaston, je suis jalouse, et votre liaison avec cette petite cousette m'agace. Mais je suis mal à l'aise quand vous souffrez. Je ne suis pas très heureux non plus de vous faire mal, mais cette petite même, maintenant, elle n'est pour rien dans nos histoires, et sa souffrance, même si elle vous paraît disproportionnée, m'est intolérable. C'est à cause de votre jalousie sans amour, de vos exigences insupportables, qu'elle abuse poison ce soir. Enfantillage, elle a pris soin de vous avertir pour que vous arriviez à temps. Sans doute. Mais c'est très ennuyeux tout de même de se tordre et de vomir. Nous n'avons jamais pris ce risque ni l'un ni l'autre. Je voudrais bien ne plus faire de mal à personne. Jamais. Bonne nuit, Liliane. Fait un pas, la comtesse l'arrête. Gaston, avez-vous remarqué que nous ne nous parlions plus ? Je sens depuis longtemps le besoin d'une conversation intime avec vous. L'endroit est mal choisi. Villardieu couche au bout de la galerie. Entrez dans ma chambre, le comte sincèrement épouvanté. À cette heure, et vous dans cette tenue, vous n'y pensez pas. S'il nous surprenait, ça ferait toute une histoire. Nous ne pouvons pas. Il faut absolument que je vous parle longuement un jour, seul à seul. De retour à Paris, il faudra nous donner rendez-vous dans un petit thé tranquille. Mais vous savez bien que vous ne pourrez jamais vous échapper, ma chère. Et puis, il n'y a pas de petit thé tranquille, on y rencontre toujours quelqu'un. C'est trop risqué, Liliane, renonçons-y. Eh bien, à Trouville, en rentrant, prenez un fiacre fermé et attendez-moi devant la gare. Je mettrai une voilette épaisse et je m'arrangerai pour sortir. Si on nous surprend, nous aurons l'air malins. Vous êtes mon mari, après tout. Après tout, justement, voilà le drame. Non, Liliane, il ne faut pas jouer avec le feu. Pensez à Marie-Christine. Vous n'avez pas le droit de risquer le scandale. Votre vie est tracée maintenant. Soyez raisonnable. Rentrez dans votre chambre. Attention ! Villardieu a souvent ouvert la porte de sa chambre. Il paraît sur le seuil à un client en robe de chambre. La comtesse rentre précipitamment dans sa chambre avec un petit cri effrayé. Villardieu. Ainsi, tous mes soupçons sont fondés. Le comte lui sourit. Mais non, Villardieu. Dormez tranquille. Je vais m'étendre sur le divan de cuir de la bibliothèque. Nous nous battons toujours après-demain. Si vous voulez. Il descend et disparaît dans la bibliothèque. Villardieu rentre dans sa chambre, la maison est replongée dans le silence. Alors paraît Ada, en chemise, un peignoir sur les épaules venant de l'office, portant un bougeoir. Elle monte l'escalier, pieds nus, ses souliers à la main, et entre dans le petit bureau du général. Aussitôt, celui-ci sort de la chambre de sa femme et entre silencieusement derrière elle dans le bureau. Le silence encore, on n'entend plus que la pluie dehors. Puis une pendule qui sonne un quart. Nathalie paraît sur la galerie, elle est encore habillée. Elle écoute un peu, puis descend rejoindre Nicolas. Ils ont ouvert des portes jusqu'à tout à l'heure. Je n'osais pas descendre. Nicolas, dans un souffle. Tu es là. Oui, mon chéri. C'est encore il y a 2 ans. Tu es venu passer tes vacances au château comme chaque été. Nous avons jusqu'au mois d'octobre pour être heureux. Je serai grand un jour. Je serai grand. Tu verras. Tu es grand, Nicolas. Et tu es la femme de mon frère. Ne parle plus. Tiens-toi contre moi. Écoute. La pluie s'est arrêtée. Quel silence, soudain. J'entends ton cœur. J'ai peur. S'il descendait, ça serait terrible. Nicolas. Ada est montée rejoindre mon père. Gaston est couché dans la bibliothèque. Ils ont autre chose à faire qu'à penser à nous. Nathalie, ils sont laids tous. Et en descendant te rejoindre, je me sentais laide, comme eux. Non. Si tu me tiens contre toi comme autrefois et je tends l'oreille au moindre bruit, comme une coupable, j'ai peur, comme ton père avec cette fille, de m'entendre appeler soudain. Maxime est au Tonkin, il s'amuse en ce moment là-bas, avec une petite putain jaune. C'est pas un homme à perdre une nuit, lui. Ne parle plus de lui. Voleur, avec ses grandes mains d'homme, son sourire, son assurance, ses galons de capitaine. Elle le regardait toutes, toujours. Elle rougissait quand il s'approchait d'elle au bal. Du cran, mon petit Nicolas, tu sais vraiment pas t'y prendre. Voleur, n'aie plus mal, mon petit. N'aie plus mal. Pose ta tête sur mes jambes. Il t'a touché. Tais-toi. Un silence, Nicolas demande comme un enfant. Pourquoi l'as-tu accepté, Nathalie? J'avais refusé tous les autres. Tu étais tout petit, prisonnier dans ton collège, et ma tante n'en pouvait plus de me garder. Ses plaintes, tous les jours, son éternel livre de comptes depuis des mois, mes gants troués, mes manteaux chichement retournés, ma maigre portion à table, je les ai payés de mon esclavage humiliant aussi longtemps que je l'ai pu. Je lui ai lu tous ses livres de piété, je me suis levé la nuit pour ses pots et ses remèdes mal fagotés, mal nourris, et reconnaissante, bien sûr, tant que j'ai pu. Tant que je n'ai pas senti que c'était mon âme qui allait mourir. Et puis, un jour où il m'a insulté pour une tisane renversée, j'ai compris que si j'attendais encore des années, celle que tu retrouverais quand tu seras enfin devenu un homme, ça ne serait plus moi. C'est alors que ton frère m'a remarqué. Je me demande pourquoi, entre deux maîtresses, et je l'ai préféré aux autres pour ne pas te perdre tout à fait. Il y a un silence, Nicolas la serre plus fort contre lui. Nathalie, je suis grand maintenant. Et moi, je t'ai attendu, les autres se moquaient de moi. Même quand j'ai su le mariage, j'ai attendu parce que je savais que ce soir arriverait. Maxime t'a eu entre 100 autres femmes. Et moi, je n'ai jamais touché que toi. Lâche-moi, Nicolas. C'est pas parce qu'ils ont écrit vos noms sur un registre, parce qu'un prêtre a bredouillé en pensant à autre chose des mots en série devant vous que tu es devenu sa femme. Non, mais c'est parce que je l'ai accepté. Et ce oui qui n'était qu'un mot pour lui, sans doute, m'a lié, moi, envers moi-même. Je n'aime que toi, Nicolas. Mais je ne serai jamais à toi. Lâche-moi, il faut que je remonte. Elle s'est levée, il la prend dans ses bras, il la plaque contre lui. Non, lâche-moi, je te l'ordonne. Lâche-moi, je t'en supplie, non. Ça a été long, mais c'est tout de même arrivé. À force d'user les jours. Rattrapez, Maxime. Nous sommes 2 hommes l'un en face de l'autre maintenant. Et s'il faut le tuer pour te reprendre, je te tuerai. Il l'embrasse, elle se dégage vite. Et lui prend la tête à deux mains pleine de tendresse. Nicolas, mon tout petit Nicolas. Il me semble que tu es plus petit encore depuis que tu es devenu si fort. Je te jure que c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il t'a prise le premier sans amour? Non, mon chéri. Pourquoi alors? Effrayée, elle lui met la main sur la bouche. Je pourrai jamais te le dire. Elle sursaute soudain et murmure. Attention! Elle l'a tiré violemment dans l'ombre de l'escalier. Elle observe la nuit. Nicolas demande. Qu'est-ce que c'est? Un homme, dans le jardin. Regarde. C'est impossible, Gaston est rentré, papa et Villardieu sont en haut. Ne parle plus bas. Il hésite. Il va d'arbre en arbre comme un voleur. Tu rêves, il n'y a pas de voleur dans ce pays. C'est un homme qui connaît la maison. Dans l'ombre, il ne peut pas voir le massif et il le contourne. Il va droit à la terrasse. On dirait qu'il fait un signe. À qui? Il s'approche. Il va entrer, j'ai ma baïonnette au porte-manteau. Non! Ne bouge pas, tais-toi. Maintenant, je crois le reconnaître. Mon Dieu, c'est lamentable. C'est lui. Nicolas, qui, lui? Le bossu. puis un homme, ombre hésitante et contrefaite, enveloppé d'une grande cape à capuchon, parée à la porte-fenêtre. Il l'entrouve sans bruit, observe un instant la pièce déserte et silencieuse, puis monte, s'arrêtant à chaque marche. Quand il est arrivé en haut, la porte de Tantardelle s'ouvre, toute grande, en silence, sur la chambre obscure. Le bossu disparaît. Nathalie murmure. Il est venu rôder autour de la maison, comme les vieux chiens pelés quand on enferme Diane. Il lui a fait signe à la fenêtre, elle savait qu'on avait oublié de refermer la porte et elle lui a ouvert. « Ah, c'est trop laid! Tout est trop laid! Me touche plus maintenant! Pourquoi? Eux, là-haut, ils se touchent, ils sont dans les bras l'un de l'autre. C'est laid, l'amour. Tu blasphèmes, leur amour est laid, pas le nôtre. C'est le même. Notre amour d'avant était profond et pur comme un matin d'été. Mais si nous nous aimions maintenant en nous cachant, ça serait laid, ça serait comme eux. Repars, Nicolas, repars vite! Et ne reviens qu'avec une autre femme un jour. Nathalie, tu es folle. Nous sommes jeunes, nous sommes beaux. Nous nous aimons depuis que nous sommes tout petits. Oublie tous ces fantoches méprisables. Nous sommes les seuls dans cette maison à avoir le droit de nous aimer. Plus maintenant. Lâche-moi. Ne me tiens plus dans tes bras, je t'en supplie. Elle se frotte soudain le visage. Oh, je voudrais que tu ne m'aies jamais embrassée. Mais Nathalie, tu rêves. C'est moi qui suis là. C'est Nicolas. Je suis à toi et tu es à moi. Depuis toujours et rien ne peut être laid entre nous. Il a voulu la reprendre, elle recule farouche en criant « Si !» Nicolas est devant elle, désemparé, les bras ballants. Il murmure « Nathalie, nous nous serrions l'un contre l'autre autrefois le soir sur la pelouse, et nous étions trop petits, mais tu jurais que tu serais à moi. Plus maintenant, pas à toi aussi. Que dis-tu ?» Nathalie, doucement, soudain. « Nous ne sommes plus petits, Nicolas. » Je ne voulais pas te le dire, mais peut-être est-ce mieux que tu saches. Mon cœur est plein de toi, mon chéri, et Maxime me fait horreur. Mais quand il m'a prise dans ce lit, le premier soir, moi qui croyais mourir de haine et de mépris, j'ai aimé, j'ai gémi de joie sous lui. La tête renversée, les yeux perdus, abandonnée, attentive à moi seul, je t'ai oublié jusqu'au matin. Nicolas crie comme un fou. « Nathalie !» Le matin, j'ai voulu me tuer de dégoût, mais je ne me suis pas tué et j'ai attendu humblement que revienne l'autre nuit. Et j'attends depuis. Je te l'ai dit maintenant. C'est fini. À ce moment, le cri éclate là-haut plus perçant que jamais. Léon ! Léon ! Léon ! Les cris ne s'arrêtent plus. La porte de la générale s'ouvre, rejetée avec force. Elle surgit soudain, terrible, échevelée, en caraco de nuit, serrant convulsivement un fichu de laine sur ses épaules. Elle va jusqu'à la porte de la galerie, s'égosillant dans le silence. La générale. Léon ! Léon ! Léon ! Léon ! Nathalie et Nicolas se sont figés. Le premier, le comte paraît sur le seuil de la bibliothèque, à demi-vêtu, puis Villardieu en robe de chambre, la comtesse en déshabillé qui crie affolée en la voyant. « Amélie !» Le général paraît enfin, achevant de mettre sa grande robe de chambre rouge sur sa chemise de nuit. Derrière lui, par la suite, Ada se montrera curieuse, les cheveux épars, moulés dans sa longue chemise sur le seuil du petit bureau. Le général « Qu'est-ce qui se passe, sacrebleu ? Rentre tout de suite, Amélie !» La générale hurle, se débattant, cramponnée à la rampe. La générale « Pas dans ma chambre ! Ils sont là, à côté ! Je l'ai entendu, je l'ai senti ! Je sens toujours, depuis 10 ans que je guette, depuis 10 ans que j'écoute de mon lit, même si je dors, quand tu te lèves à la minute où tu prends cette fille à côté, je me réveille, le général, pour tenter de dire quelque chose. Quelle fille? Je comprends pas, rentre donc. Le général continue, je peux te dire la minute, je peux te la dire pour le chien qui va dans la cour de la ferme la nuit chercher la sienne en chaleur. Je peux te dire le jour où on amène le taureau au village et toutes les bêtes des bois, sous la terre, dans les herbes, dans les arbres. Vous croyez que je dors toute la nuit? Je les écoute, je les guette, je les sens. Rentre, Amélie! À ce moment, le paon appelle dans le jardin. Léon! Léon! La générale se débat. Non, je ne rentrerai pas. Le paon appelle, lui aussi. Et les belettes, et les blaireaux, et les fouines, et les renards dans la clairière, et les insectes, les millions d'insectes en silence, partout. Tout jouit et s'accouple et me tue. Je sais quand les fleurs même se détendent soudain et s'en trouvent obscènes au petit matin. Tous ignobles, vous êtes tous ignobles avec votre amour. Le monde est ignoble et il n'en finit plus. Arrêtez-les tous les deux. Je ne suis pas folle, je sais qu'on ne peut pas arrêter toutes les bêtes dans les bois, toutes les bêtes de la terre qui grouillent les unes sur les autres dans la nuit. Mais vous, arrêtez-vous au moins de vous flairer comme des chiens autour de moi. Arrêtez-les tous les deux à côté. Arrêtez-les tout de suite ou je vais me mettre à hurler, le général. Mais arrêtez qui, sacrebleu, rentre, Amélie Yada. Préparez-lui son gardénal, le général. Je veux pas de gardénal encore. Ils sont là. Je vous dis de les arrêter, le général. Mais c'est la chambre d'Ardel, voyons, elle y est seule. Le général, non, elle est pas seule. Je les entends, je les vois tous les deux. Le général, tonnerre de Brest, qu'est-ce que tu racontes? Il s'est précipité sur la porte. Ouvre, Ardel. Ouvre immédiatement. Tu entends bien qu'Amélie a une crise. Ouvre tout de suite ou j'enfonce la porte. Ardel. La générale monologue très vite, bafouillant en même temps que le général. C'est pour ça que je suis devenue folle. À force de vous sentir tous autour de moi, à force de te sentir, toi, avec tes yeux, avec ton nez, avec tes mains, avec les poils de ta figure, avec les pores de ta peau, à les désirer toutes, toujours, toutes les femmes. Celles que j'étais obligé d'inviter à dîner, et celles qui passaient dans la rue, celles qui te frôlaient au théâtre, celles qui étaient photographiées dans les journaux et tu faisais semblant de lire l'article, mais c'était elles que tu regardais. Et comme celles que tu pouvais voir avec tes yeux, c'était pas encore assez. Toutes celles que tu imaginais. Tu me parlais. J'avais réussi à te traquer dans ma chambre, il n'y avait personne à regarder que moi. Mais ton œil fixé sur moi faisait l'amour quelque part avec une femme inconnue. Le monde entier grouillé de femmes, avec des chapeaux, des éventails, des sourires, des paroles, des faux-semblants, mais toujours leur sexe offert comme un fruit pour toi entre leurs jambes. Et leur odeur, leur puanteur de femmes autour de nous, partout. J'ai guetté, j'ai tellement guetté pendant tant de jours que j'ai appris à reconnaître celles que tu désirais, à les renifler comme toi, avant toi quelquefois, à faire l'amour moi aussi avec elles. Le général, allons, c'est assez Amélie, j'ai passé ma vie à ton chevet, tu le sais bien, tu divagues. Rentre, il faut dormir, il est tard. La générale qu'on pousse vers sa chambre, toutes. Toutes, Madame Liétard, les sœurs Pochol, Gilberte Swann, la Malibran et Odette de Donadieu, Clara Pompon, la danseuse du Grand Théâtre de Bordeaux, la femme de la cantine en Maroc, et toutes les locataires de l'immeuble du boulevard Raspar. Le général qui la pousse vers la chambre lui répond à chaque fois, mais non, mais tu ne sais pas ce que tu dis, rentre. La générale, si, toutes, toujours. Je ne pouvais jamais être tranquille. Même celles que je n'aurais jamais cru. Les femmes des livres qui étaient mortes depuis 100 ans. La petite fille, le jour de la distribution des prix. Le jour de la prise de voile de Marie-Louise, la supérieure des Clarisses, en pleine cérémonie. Et le jour de la revue de Longchamp, où tu t'es précipité pour baiser la main de Madame Poincaré. Le général, mais non, c'est grotesque. Poincaré m'avait fait signe. Tu rêves, rentre. La générale, qui est devenue de pauvres choses pitoyables, murmure tandis qu'on la pousse vers sa chambre. Je sais, moi, je guette toujours. Comment va la faire rentrer? Deux coups de feu éclatent soudain tout près, immobilisant tout le monde. La folle seule semble ne pas avoir entendu et continue à psalmodier. Je guette. Le général bondit. Qu'est-ce que c'est, sacrebleu? Occupez-vous d'elle. Cette fois, il faut enfoncer la porte. Le comte, Villardieu et le général se jettent sur la porte d'Ardel. On les entend souffler. Ils sont ridicules et inopérants. Il se bouscule, ça doit être presque un numéro de clown malgré l'angoisse. Villardieu enfin les écarte, prend son élan et se jette sur le battant de toute sa force. La porte cède, il s'écroule avec elle, lamentable. Le général l'enjambe et disparaît dans la chambre, un silence devant la porte grande ouverte. Villardieu s'est relevé se frottant l'épaule, le général reparaît et dit simplement « Les imbéciles, ils se sont tués. Courez vite chercher un médecin, il me semble qu'Ardel respire encore. » Villardieu sort en courant, la comtesse et le comte entrent rapidement dans la chambre derrière le général. En bas, Nicolas et Nathalie, qui n'ont pas bougé, se regardent. Nathalie, doucement, nous n'avons même pas à nous tuer, tu vois. Eux qui ne devaient que faire rire, ils l'ont fait. Adieu, Nicolas. Ne pense plus à moi, jamais. Ne pense plus jamais à l'amour. Elle remonte précipitamment et entre dans sa chambre. Nicolas reste une seconde sans bouger, puis il sort rapidement par le jardin derrière Villardieu. La scène reste vide un instant. Alors une porte s'entrouvre, Toto passe la tête, puis Marie-Christine. Voyant que tout est silencieux, ils s'enhardissent et sortent de leur champ. Ils sont déguisés. Par-dessus leur chemise de nuit, ils sont harnachés de boas, d'écharpes coiffées de chapeaux de plumes et de chapeaux de forme. Toto s'est même fabriqué une fausse moustache, on ne sait avec quoi. Ce sont tout à coup deux petits hommes dérisoires et grotesques qui s'avancent faisant des mines. Sur la scène devenue obscure, un projecteur s'est braqué sur eux. Toto, roulant les airs pour que ça soit plus passionné. « Ma chérie !» Marie-Christine l'imitant. « Mon amour adoré !» Toto. ma chère femme, comme je t'aime. Marguerite-moi donc, mon petit mari chéri. Pas plus que moi, mon amour. Si, mon amour, 10 fois plus. Ah non, ah si. Non, parce que si tu m'aimais moins, moi, un jour, je te tuerai. Marie-Christine, mais non, chérie, c'est moi qui t'ai tué la première. Toto, non, c'est moi. Marie-Christine, non, c'est moi. Il tape du pied l'un en face de l'autre en criant de plus en plus fort. Toto, non, c'est moi. Marie-Christine, non, c'est moi. Toto la grippe soudain. Non, mais je te dis que c'est moi, sale idiote. Puisque c'est moi qui t'aime le plus. Marie-Christine, non, c'est moi. C'est moi qui t'aime le plus. Elle essaie de se dégager. Sale brute, chenille verte, crétin. Ils se sont jetés l'un sur l'autre, faisant voler leur chapeau. Ils roulent par terre, se mordant et s'arrachant les cheveux. Le rideau tombe tandis qu'ils se battent sauvagement. On entend Toto qui crie dans la mêlée, rouant de coups Marie-Christine. Ah, tu veux pas que ce soit moi qui t'aime le plus, imbécile. Ah, tu veux pas que ce soit moi qui t'aime le plus, pisseuse. Ah, tu veux pas que c'est moi qui t'aime le plus, saleté. Le rideau est tombé, les cachant, mais ça doit continuer derrière. Fin de la Marguerite. C'est trop long.